découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Jean-Luc Demandre. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, très bien, très très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, je suis le président de l'association Connaissance de la Meuse, qui a été créée voici presque 42 ans maintenant, qui a pour objectif la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine de la Meuse. Et dans cette association, outre ma fonction de bénévole entièrement consacrée chaque fois que je le peux à la présidence, j'exerce aussi la responsabilité de scénariste et de metteur en scène, tout aussi bénévolement bien entendu. Je n'ai aucune indemnité et c'est toujours avec autant d'énergie, de passion que je m'investis à Connaissance de la Meuse, comme d'ailleurs de nombreux autres bénévoles. Et Connaissance de la Meuse, vous vous occupez du patrimoine et de l'histoire, donc on parlera juste après de la bataille de Verdun, parce que c'est sur ça que vous faites un spectacle, c'est ça ? Exactement, oui, entre autres, parce qu'on a d'autres grands événements, on a trois grands événements chaque année. Et c'est vrai que le plus important en termes de fréquentation, c'est celui de Verdun, de notre son lumière, des flammes à la lumière. Et c'est un des plus grands spectacles d'Europe consacré à la Première Guerre mondiale, il me semble. Oui, c'est le plus important d'Europe sur la guerre 14-18 et des professionnels du tourisme, des journalistes considèrent que c'est pas nous qui l'avons écrit ou dit, que nous sommes le deuxième spectacle de type son lumière en France, après bien sûr celui du Puy du Fou, qui est une véritable tour Eiffel. Ah, le Puy du Fou, je croyais que c'était plus centré médiéval, moi. Non, parce que leur spectacle va jusqu'à l'époque contemporaine et couvre plusieurs siècles, sans parler de ce qui se visite en journée, le grand parcours, le grand parc. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents à l'association Connaissance de la Meuse ? Alors, en nombre d'adhérents, l'année dernière, ce n'est pas le chiffre de cette année, mais c'était pratiquement 1200 et quelques. Mm-hmm. Je pense que cette année, on doit être à plus de 1100 sûr, peut-être même au même chiffre que l'an passé. Ce que je connais avec beaucoup plus de précision, c'est le nombre de bénévoles qui maintenant avoisinent les 600 bénévoles sur l'ensemble de nos activités, puisque certains participent à une activité et un nombre moins important à plusieurs activités et un nombre encore plus réduit à toutes les activités. Et est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles actuellement ou pas ? Oui, même si cette année est une année record pour notre son lumière de Verdun, nous avons enregistré 91 inscriptions. Depuis que l'association existe, on n'a jamais eu autant de bonne volonté qui nous ont rejoint pendant une année. Donc c'est très réjouissant, mais oui, nous en recherchons. Alors pour des flammes à la lumière qui a déjà débuté le week-end dernier, tout est sur les rails maintenant. Il n'est plus possible d'intégrer nos équipes. En revanche, pour la Saint-Nicolas et avant, pour une grande fête médiévale qui aura lieu le dimanche 10 septembre, et pour notre Saint-Nicolas, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui a lieu les deux derniers week-ends de novembre et le 1er de décembre, autre grand événement au château de Thillonbois. Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux bénévoles, même s'ils n'ont aucune compétence particulière. Nous pouvons intégrer avec un système qui est très simple et éprouvé dans notre association comme dans d'autres, le système du binôme, c'est-à-dire qu'un nouveau, une nouvelle bénévole est placée, accompagnée par un bénévole ou une bénévole expérimentée et cette année, par exemple, je peux vous dire qu'il y a des bénévoles qui ont rejoint, y compris les groupes techniques, qui n'avaient jamais fait de lumière ou de son ou de pyrotechnie et qui se sont parfaitement intégrés dans les trois groupes-là que je viens de dire, sans compter ceux qui ont franchi le pas pour participer sur scène et donc endosser plusieurs costumes et devenir des acteurs figurants. Donc pour le dimanche 10 septembre, la fête médiévale au château de Thillonbois, c'est au sud de Verdun, entre Bar-le-Duc et Verdun, dans un lieu magnifique, et dans ce même lieu pour la Saint-Nicolas, qui est en fait une série de spectacles et d'animations, nous recherchons encore des bonnes volontés, et il est encore possible de s'inscrire. L'appel à auditeurs est lancé. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un spectacle sur la bataille de Verdun ? Est-ce que c'est un devoir de mémoire ? Pas vraiment, pour tout dire, parce que dès 1985, l'association avait trois années d'existence, on a créé notre premier son lumière. Et on a traité beaucoup de sujets. On a à notre compteur 21 sons-lumière différents aux quatre coins du département. Alors, nous ne sommes pas passés donc partout, mais dans quand même des lieux, en tout cas, assez majeurs. Et ça portait sur le Moyen-Âge, sur le 19e siècle, sur le passage de Louis XIV lors du siège de Montmédy dans le nord de la Meuse. Je ne vais pas vous citer tous nos sons-lumières. Et nous n'avions jamais abordé le sujet de la Grande Guerre parce que nous considérions que c'est extrêmement délicat, que c'est un thème historique, c'est plus qu'un thème, hein, c'est un sujet historique difficile. Et nous avons toujours eu beaucoup d'appréhension pour aborder cette thématique. Et puis finalement, on nous a demandé des bénévoles, des spectateurs, des partenaires, nous ont dit « Ah, ce serait peut-être quand même bien, compte tenu de votre expérience, association, hein, je ne parle pas que de moi, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose sur cette thématique. » Alors on a fait une préfiguration en 1993, après avoir annoncé que ce serait une seule année, et puis on a relancé ce spectacle à partir de 1996 jusqu'à aujourd'hui, sauf bien sûr pendant l'année 2020 du fait de la crise sanitaire. Donc c'est tardivement finalement que nous avons commencé à traiter par le moyen d'un spectacle qui est un excellent moyen pour toucher un large public parce que il est des personnes nombreuses qui ne viennent jamais dans des musées, dans des colloques, qui lisent pas d'ouvrages sur des sujets historiques et c'est tout à fait respectable, hein, et le son et lumière est un incroyable vecteur pour toucher un très très large public. On a dans notre tribune, depuis que on aborde ce sujet ou d'autres thèmes que nous avons déjà traités, des spécialistes, des gens pointus, des gens de renommée nationale dans le domaine de l'histoire, en tout cas dans le milieu des historiens très connus, et qui sont exigeants, mais nous avons également des personnes qui ne vont jamais dans des lieux de culture, qui n'en ont pas la possibilité. Il faut dire qu'il y a des inégalités d'accès à la culture, c'est terrible, hein, pour des gens qui n'ont pas de moyens de transport ou qui n'ont pas de moyens même pour payer une entrée d'un musée, surtout de nos jours, donc des gens dans la ruralité et même dans des villes. Donc on arrive à les toucher et parfois par des associations, parce qu'on fait des choses très discrètes, on ne s'en vante jamais pour des publics dits défavorisés, hein, pour qu'ils ne soient pas laissés de côté. Bref, on a un public qui est très très très large et qui vient à cette manifestation et qui n'irait peut-être, qui n'aurait pas la possibilité ou l'idée d'aller vers d'autres lieux de culture, parce que nous sommes dans le culturel, hein, bien sûr, pour découvrir, en l'occurrence, pour dire à votre question, le sujet de la guerre 14-18, de la bataille de Verdun. Alors ce n'est pas parce qu'on ressentait le devoir de mémoire, nous sommes des passeurs d'histoire, des transmetteurs d'histoire, passeurs d'histoire, que nous nous sommes lancés en 93 et surtout en 96 sur le sujet de la Grande Guerre. Le spectacle là, c'est pas aussi pour faire perdurer un peu l'histoire, pour que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé aussi? Ah ben bien sûr, hein, c'est transmettre l'histoire, hein, c'est faire passer l'histoire, la partager, hein, la donner à découvrir, enfin cette tranche de l'histoire de notre pays et même de l'humanité, hein, qui a tant marqué, et faire que bien elle soit toujours connue. On est plus dans l'histoire que dans la mémoire pure, puisque maintenant on a le recul, les travaux d'historiens sont maintenant très étendus sur des aspects qui n'ont jamais été travaillés depuis 1918-1919, donc nous nous sentons alors un devoir de transmettre ces connaissances, oui, et de les transmettre à des jeunes et à des moins jeunes, ce qu'on a constaté le week-end dernier à la sortie de la tribune, des gens de tous âges, y compris des gens de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui nous disaient « Ah, mais finalement, ça, on n'avait pas pris conscience, ça, je l'ignorais. » Donc ça nous réjouit parce que nous pensons que nous faisons œuvre utile. Alors, je voulais faire un petit rappel ou donner une petite info historique à nos auditeurs. La bataille de Verdun s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Elle a opposé l'armée française à l'armée allemande. C'est une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, à savoir que la première, il me semble que c'est la bataille de la Somme, c'est ça ? Oui, en nombre de tués, oui, absolument. C'est la bataille de la Somme qui se déroule la même année que la bataille de Verdun. Oui. La bataille de Verdun, c'est 163 000 morts pour la France et 143 000 pour l'Allemagne. Il y a eu 400 000 blessés. Quasiment toutes les familles ont été impactées par ces tragédies. Comment est-ce qu'on appelait les soldats français et les soldats allemands ? Et pourquoi ? Les soldats français, on les a appelés assez rapidement les poilus, principalement pour la raison qu'ils étaient moustachus. Assez souvent, poilu. Et les Allemands ont eu. Alors les Allemands appelaient les Français les Franzmann, c'était un peu en argot allemand. Et alors les Allemands ont eu plusieurs surnoms. Un qui a pris une connotation par la suite très très dure. C'était pas le seul hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et qu'on n'utilise pas nous dans le spectacle, les Boches, mais on les appelait aussi les Teutons, les Prussiens. Enfin, il y avait d'autres déclinaisons possibles pour montrer ceux d'en face. Voilà. Alors je parlais des 400 000 blessés qu'il y a eu à la bataille de Verdun, certains blessés qu'on appelait les gueules cassées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, c'est parmi les blessés, les centaines de milliers de blessés français, sans compter les centaines de milliers de blessés allemands et des dizaines et des dizaines de milliers de blessés d'autres nationalités. Il y a donc ce qu'on appelle les gueules cassées, bah, tout est dans le titre, ce sont des visages qui ont été atteint par une balle ou plus souvent un ou des éclats d'obus et des visages tellement défigurés que parfois on ne reconnaissait pas la personne, enfin que c'était même insoutenable à regarder, d'où le nom. Il y a une fédération qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la fédération, enfin je raccourcis, mais des mutilés de la face, et qui ne comprend plus, bien sûr, il n'y a plus de survivants de la Première Guerre mondiale, mais qui comprend même des militaires d'aujourd'hui, ça peut être un motard qui se blesse gravement sur la route, ou qui est blessé par la faute d'autrui, hein, et qui a le visage, je dirais, en piteux état. Donc il y a des photos de ces mutilés de la Première Guerre mondiale qui sont vraiment épouvantables, c'est horrible, et c'est à cette époque vraiment que se crée la chirurgie réparatrice faciale, pour essayer de faire que ces visages retrouvent un aspect humain, plus humain en tout cas, parce que certains ont été défigurés, et malgré des opérations chirurgicales, sont restés effrayants pour des enfants. Les enfants, quand ils voyaient ces visages-là, dans certains cas, ils avaient peur, bien sûr. Donc c'est une des formes de cette guerre, une des caractéristiques de cette guerre, qui est une guerre principalement d'artillerie, surtout à partir de 1915, qui n'est plus la période des grands mouvements, des grandes batailles, où on se déplace sur des dizaines de kilomètres par jour. Et la bataille de Verdun, que vous citiez tout à l'heure, on considère que 80% des hommes qui ont été tués ou blessés l'ont été du fait de l'artillerie. C'est les obus qui tuent, plus que les balles. Et ces éclats d'obus, sans compter les shrapnels, enfin tout ce que les hommes, dans leur dureté, dans leur horreur, peuvent inventer pour essayer de se défendre et parfois de vaincre l'adversaire, ont créé des blessures terribles durant cette guerre. Et c'était une des grandes surprises de voir cette massification de la mort du fait de l'importance des artilleries. J'ai vu quelques images sur Internet et aussi dans les livres d'histoire. Quand on parle des gueules cassées, il y a par exemple des personnes qui n'ont plus du tout de bas du visage ou la joue, elle est complètement trouée, etc. Oui, c'est vraiment assez impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Alors, dans notre spectacle, nous avons une scène de blessés et pudiquement, on montre des visages bandés. Et on peut en déduire que dessous, il y a des cicatrices qui ne sont pas encore refermées, voire des visages fortement déformés. Et notre scène, on l'appelle cette scène, même si on ne montre pas ces visages épouvantables, bien sûr, et on ne voudrait pas faire des maquillages pour faire comme si on en avait réellement sur scène. Ce serait ridicule. Et ce serait manquer de respect en plus. Cette partie-là, on l'appelle les gueules cassées, le retour des gueules cassées. Il y avait les gueules cassées, mais il y avait surtout aussi les soldats qui revenaient, qui devenaient un peu fous psychologiquement aussi, à force d'avoir vécu dans la peur des obus, etc. Oui, ce qu'on appelait l'obusite. Alors pendant longtemps en France, mais pas qu'en France, on considérait que ces hommes qui tremblaient, qui étaient voûtés, qui ne voulaient plus se battre, criaient, qui gigotaient en tous sens, étaient des simulateurs. L'armée, et pas que l'armée, considérait ces hommes-là comme un peu douteux, quoi. Limite, oui, des gens simulants. Ce n'est que tardivement que l'on a pris conscience, d'abord du côté des Britanniques, que ce qu'ils avaient vécu, le bruit assourdissant, la mort, la puanteur, les combats d'une violence inouïe, à tel point que certains disaient même les animaux ne s'imposent pas cela entre eux, même les plus féroces. C'est seulement tardivement, assez tardivement en tout cas en France par rapport à d'autres pays, que on s'est interrogé là-dessus et qu'on a pris conscience, enfin d'une manière plus large, si je peux dire, de ce phénomène des hommes qui peuvent être blessés, pas uniquement dans la chair, ils peuvent l'être dans l'esprit, dans le psychisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas pris en compte à l'époque, sauf quelques-uns qui étaient un peu précurseurs, et on se rend compte que finalement, il y a certainement des centaines de milliers d'hommes qui ont vécu profondément, gravement traumatisés jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'au moment où la vie s'est arrêtée pour eux. Et ça, ça n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, quand il y a un drame dans nos pays, en tout cas, dans nos pays qui ont cette possibilité, lorsqu'il y a un drame dans une école, lorsqu'il y a une explosion des blessés, lorsqu'il y a eu quelque chose d'horrible, souvent, ou dans une entreprise, ah, dans les entreprises, heureusement, mais on met en place des cellules psychologiques immédiatement. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. On regardait ces gens-là comme, oui, des gens douteux, des tire-au-flanc. Il y avait des officiers supérieurs qui, c'était leur conviction, faut respecter, se tromper, mais qu'on avait là affaire à des, en quelque sorte, presque des traîtres. Vous parliez des obus tout à l'heure, à savoir qu'à la bataille de Verdun, il y a eu 50 millions d'obus largués et qu'on pouvait sentir la terre trembler à des centaines de kilomètres à la ronde. Donc on peut comprendre la peur que pouvaient ressentir aussi bien les soldats que les villageois des alentours. Oui, alors, sur le premier chiffre, une petite rectification. Si on compte tous les obus, rien que pendant l'année 1916, obus français, allemands de tout calibre, je dis bien de tout calibre, on dépasse les 70-80 millions. On peut même avancer presque 100 millions d'obus. Le bombardement, lorsqu'il a débuté, le Trommelfeuer allemand, le début du bombardement allemand, au déclenchement de la bataille le 21 février 1916, il a été entendu jusque dans les Vosges. Pas au-delà de plusieurs centaines de kilomètres. Mais quand même, quand on pense à ça, ce roulement au lointain, ce vacarme, cette sensation qu'il y avait comme un orage permanent, a été entendu très très loin, oui, puisque dès les premiers jours, les Allemands ont tiré 3 à 4 millions d'obus en deux jours sur un petit territoire. Donc c'était énorme et c'était une puissance de feu sur aussi peu de mètres carrés, dans un mouchoir de poche, on peut dire, qui n'avait jamais été connu. À savoir que même encore aujourd'hui, on trouve des ossements d'anciens soldats et aussi des obus, que ça soit sur le site de Verdun ou ailleurs. Oui, à certains endroits, la terre a été labourée jusqu'à 4 mètres de profondeur du fait de l'artillerie. Et il n'est pas rare que, outre les obus, on découvre, et même au-delà de la zone rouge de Verdun, hein, mais que l'on trouve des ossements, hein, des squelettes entiers ou des parties d'hommes, si je puis dire. Ça a été le cas ces dernières années. Et on considère que sur le champ de bataille de Verdun, ce petit territoire, 150 km², hein, c'est un mouchoir de poche, je reprends cette image, il y a encore environ 80 000 Français et Allemands qui sont là dans le sol, qui sont enterrés, parfois en petits morceaux, il faut bien le dire, mais qui sont encore dans le sol, 80 000, voire 100 000. Donc oui, il y a des ossements que l'on redécouvre lors de travaux, lorsque parfois des arbres tombent et qu'il y a des racines profondes, avec différentes raisons, parfois on retrouve des ossements qui sont toujours étudiés très respectueusement, comme la découverte d'un squelette, hein, comme s'il y avait une scène de crime en quelque sorte, si possible identification, et s'il n'y a pas d'identification, ces ossements sont rassemblés et déposés dans l'ossuaire de Doubon où reposent 130 000 hommes ou parties d'hommes, si je peux dire, français, allemands et un peu américains, mais principalement français et allemands. On va maintenant parler du spectacle des Flammes à la Lumière. Ça sera la combientième édition cette année ? 27e édition, ce qui nous surprend parce que lorsqu'on avait créé ce spectacle après la préfiguration de 1993, lorsqu'on l'avait créé lors du 80e anniversaire de la bataille de Verdun, donc 1996, on avait pris un engagement 5 ans et nous pensions que 10 ans, ce serait le 90e anniversaire et personne parmi nous, pas même moi, n'avions imaginé que ce spectacle atteindrait le centenaire de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Verdun. Donc nous dépassons le cap du centenaire de cette Première Guerre mondiale et nous arrivons à 27 éditions puisque nous manque l'édition 2020 qui n'a pas pu se faire en raison du coronavirus. Donc c'est vraiment encore un sujet d'étonnement pour nous que de voir cette manifestation perdurer. Bon, il y a plusieurs raisons à cela, hein. Je dirais d'abord l'engagement de nos bénévoles. Alors, il y a eu des renouvellements, il y a eu des bénévoles qui se sont rencontrés, qui ont eu des enfants. Et maintenant, les petits-enfants qui arrivent, ben oui, bien sûr, hein, depuis 27 ans. Des tout-petits qui sont déjà venus dans le spectacle à moins de 2 ans, dans certaines scènes. Bon. Et aussi la qualité du travail de nos salariés. Nous avons créé des emplois, nous en sommes fiers. Nous avons réussi à les pérenniser malgré des difficultés, puisque notre association s'autofinance à 75% dans le domaine culturel. C'est rarissime, rarissime. Et la deuxième raison, c'est l'intérêt, l'adhésion, je dirais même le soutien du public, puisqu'on a déjà accueilli 563 000 spectateurs de France et un petit peu de l'étranger, et l'intérêt du public ne faiblit pas, malgré la fin du rythme des grands anniversaires, dont le centenaire qui s'est terminé en 2018, et un public qui vient avec enthousiasme, parce que la notoriété est assez forte, en tout cas intérêt au minimum, et qui repart très satisfait, marqué, parfois très ému. Il faut venir en tribune pour s'en rendre compte, venir avec un micro ou de quoi filmer ou prendre des photos pour voir que je n'exagère pas le propos. Alors bien sûr, il y a la guerre dans notre spectacle, mais il y a aussi une autre dimension à laquelle nous tenons beaucoup et qui fait l'objet de la fin du spectacle. C'est que Verdun est un haut lieu de souffrance, comme d'autres, hein, depuis, on peut dire, Hiroshima, les villes-villages du Vietnam, etc. Bon, mais c'est aussi un haut lieu d'espérance. Et toute la fin du spectacle, les 20 dernières minutes, portent sur cela. Et des hommes de bonne volonté, des femmes aussi, se sont retrouvés là dans l'entre-deux-guerres, se disant « c'est la guerre des guerres, il n'y en aura plus, c'est plus possible ». Notamment pour le 20e anniversaire de la bataille de Verdun, ils se sont retrouvés 20 000 anciens combattants français, avec 750 à 800 Allemands, pour prêter un serment de paix au pied de l'ossuaire de Douaumont, dans la nécropole nationale française. Et 3 ans plus tard, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et on va jusqu'à la réconciliation franco-allemande, et nous projetons très rapidement mais une image de De Gaulle et Adenauer, qui ont rapidement souhaité qu'il y ait une réconciliation, et la poignée de main sublime qui est entrée dans l'histoire de l'humanité entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl. Enfin, c'est même pas une poignée de main, rectification. Devant l'ossuaire de Douaumont, en 84, ils se sont tenus par la main longuement. Ça, c'est un geste magnifique qui signifie que il y a des guerres. Il y en a encore en ce moment, à 2h15 d'avion d'ici, il y a cette terrible guerre, épouvantable guerre là qui se déroule dans l'est de l'Ukraine. Mais on peut surmonter cela. Et Français et Allemands, malgré 3 guerres, la première 1870, Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, hein, 8 mai 1945, malgré 3 guerres en moins de 100 ans, ces deux peuples voisins vivent aujourd'hui en paix. Et viennent de vivre, et d'ailleurs toute cette partie-là du monde, hein, toute l'Europe, viennent de vivre plus de 70 années de paix. Donc il y a ce message d'espérance. C'est pas moralisateur la fin de notre spectacle, c'est un témoignage pour dire c'est possible, on vient de le vivre et on le vit aujourd'hui. Voilà, ça ne va pas plus loin que cela. Donc ça touche beaucoup les gens aussi, énormément même. Je vous avais interviewé l'année dernière pour parler de l'édition précédente. Quelle est la différence avec celle de cette année? Alors, je dirais, il y a dans des domaines qui ne sautent pas aux yeux aux oreilles, des nouveautés et qui permettent de tendre un peu plus en termes de qualité vers ce qu'on souhaiterait atteindre. On n'atteint jamais l'idéal, on n'atteint jamais l'excellence. On tend vers, voilà. Et on n'y arrive jamais, c'est pas possible, comme dans beaucoup de domaines aussi, également. Donc ça ne se voit pas beaucoup, ça ne se constate pas beaucoup, mais pour prendre une image, c'est un peu comme dans des plats. Il y a parfois des petites choses qui sont modifiées, c'est le même plat, les mêmes ingrédients, un petit peu modifiés, ou des quantités de ceci, de cela, en plus, en moins, ou la cuisson, etc. Et alors qu'au départ, on a les mêmes produits, qu'on utilise la même recette, en quelque sorte, on n'a pas le même résultat à la fin. Même si c'est, alors les fins gourmets remarquent les différences, hein, je dirais. Et comme dans notre spectacle, les détails, il faut un œil quand même, une oreille aiguisée pour remarquer les détails, les points qu'on fait évoluer. Ça, c'est la première partie. Et puis surtout, alors ça, c'est remarqué du public qui était là l'an passé. Et en 2021 et avant la pandémie, nous avons modifié toute la dernière partie du spectacle, justement depuis la scène de 1936, hein, ce serment de paix pour le 20e anniversaire de la bataille de Verdun. On a les mêmes contenus, mais il y a une mise en œuvre qui est différente avec de nouvelles vidéoprojections qui couvrent toute la carrière. On a 80 mètres de dénivelé, c'est un site magique. Et puis bien entendu le scénic, en modifiant la pyrotechnie finale, en modifiant l'écriture, en réécrivant entièrement une scène, en modifiant la mise en scène d'une manière très sensible. Donc on a une fin de spectacle qui est encore plus marquante, plus tonique, plus forte. Pas nécessairement puissante, hein, mais qui, durant ces deux premières représentations, a suscité beaucoup de remarques, enfin d'appréciations positives et des applaudissements très très nourris. Et lorsqu'on interroge les personnes à la sortie de la tribune, ils ont dit « Ah, ceux qui avaient déjà vu le spectacle, hein, ces dernières années, la dernière partie du spectacle est vraiment prenante. » Comme ce qui précède aussi du reste, mais ils remarquent beaucoup ces nouveautés de la dernière partie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les différentes personnes qui travaillent sur ce spectacle, les costumiers, les ingénieurs du son et des lumières, les acteurs, les figurants? Ce sont des gens de tous horizons, de la ville, de la campagne, des manuels, des intellectuels, des personnes qui réussissent dans la vie, d'autres qui ont des difficultés, certaines personnes qui rencontrent des problèmes économiques ou qui se sentent isolées, et qui sont isolées d'ailleurs, des jeunes, des très jeunes, des plus âgés, je crois que notre plus âgé cette année doit avoir 84 ans, et qui se répartissent dans différents groupes. Alors le plus grand groupe est celui des acteurs figurants, donc ceux qui vont sur scène, il y en a chaque soir 220 et plus. Et les autres groupes, ce sont les costumières que vous avez citées, qui travaillent tous les mardis après-midi dans deux ateliers couture sur notre site, sauf 5 mardis par an, pour vous donner une idée de leur dévouement. Les électriciens, les éclairagistes, le groupe son, donc ceux qui diffusent le son, on a 16 points sonores, donc c'est un son totalement immersif. C'est devant, sur les côtés, derrière et sous la tribune. Donc c'est vraiment une bande son avec une diffusion vraiment grande qualité. Les pyrotechniciens, les bénévoles de la sécurité, du placement tribune, de l'accueil avant au parking, puisqu'on a la chance d'avoir un grand site fermé. Et le parking gratuit se trouve à l'intérieur du site, juste à l'arrière de la tribune et du chapiteau où il y a les repas. Les repas, donc, ce sont des équipes intendance. Le repas sous chapiteau ne peut se faire qu'après réservation, ça c'est obligatoire. Il y a déjà certaines soirées qui sont complètes là pour cette saison. En revanche, on a aussi une restauration rapide. Bon, je ne vais pas détailler, c'est classique. Des bars. Là, il y a des équipes intendance. Il y a aussi l'équipe intendance pour les bénévoles. Quand ils viennent à la mauvaise saison, quand ils viennent lors des réglages lumière ou son vidéo et qui passent des journées, des week-ends complets. J'ai peut-être oublié des bénévoles de la billetterie. On peut vendre des billets sur place, mais il est très très souhaitable de réserver. Hein, très souhaitable de réserver. Donc on a comme ça un groupe qui comprend en fait des sous-groupes et qui travaillent ensemble. Et les personnes qui nous rejoignent chaque année choisissent ce qui les intéresse et vont dans un ou deux groupes. Et on les accueille grâce au système de binôme dont je parlais tout à l'heure. Donc ça compose ce qu'on appelle, par exagération, une grande famille, en tout cas un groupe humain impressionnant quand on voit toutes ces bonnes volontés à l'œuvre. Moi, ça me marque toujours, je ne suis pas blasé depuis 40, presque 42 ans qu'est créée l'association, de voir autant de gentillesse, de dons de soi, d'efforts qui parfois ne seraient pas consentis dans un cadre professionnel. Parce que c'est dur, c'est exigeant, et autant d'efficacité aussi. Donc c'est une magnifique aventure humaine. Est-ce que, comme la saison précédente, vous avez prévu de sortir un DVD du spectacle ou pas ? Alors, pour des raisons financières, on n'a pas pu refilmer le spectacle, hein. D'ailleurs, du reste, celui de l'an passé non plus, parce que c'est une grosse dépense, il faut une grue, un bras. Ça, on n'a pas ces moyens-là, donc ça ne peut se faire que par des professionnels. Et la situation est quand même contrainte, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les subventions ont plutôt tendance à stagner et même à diminuer. Parfois, le mécénat aussi, donc avec cet autofinancement de 75%, on est extrêmement prudent parce que on ne veut pas mettre en danger l'association. Donc tout ce qui ne semble pas indispensable immédiatement ou ce qui est incertain pour rentrer dans le montant de la dépense, hein. Un DVD, c'est pas pour une année, c'est pour plusieurs années. On a plutôt tendance à l'écarter provisoirement et de prioriser sur d'autres choses. Vous disiez que vous aviez encore des dates disponibles. Quand est-ce qu'on peut aller voir le spectacle ? Eh bien, ce week-end, ce vendredi, samedi, et on joue jusqu'au vendredi 28 juillet. C'est vendredi, samedi jusqu'au vendredi 28 juillet. On ne jouera pas le samedi 29 juillet parce qu'il faut démonter le spectacle, parce qu'après, on a d'autres activités à Thillon-Bois, dont j'ai parlé tout à l'heure très brièvement. Et on ne joue pas non plus le 14 juillet. Donc, il reste encore 8 dates de représentation, et plus le temps passe, plus la tribune se remplit. On a une capacité de 2604 places, hein, tribune avec siège coquille, et il vaut mieux réserver, et surtout, dès qu'on arrive au deuxième week-end de juillet, c'est parfois vite, très vite rempli, et les dernières représentations, pratiquement chaque année, hein, les 4 dernières, voire les 6 dernières, on n'a plus de place, et les dernières, on refuse du monde chaque année. Donc pour vos auditeurs et auditrices, nous vous incitons à réserver vos places le plus rapidement, surtout si vous voulez venir plutôt dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Justement, comment est-ce qu'on peut réserver nos places ? Alors, c'est très simple. Sur Internet, il suffit de taper « Connaissance de la Meuse » ou encore « Spectacle Verdun » et on arrive sur notre site où il y a toutes les informations, toutes les explications et possibilité même d'acheter en ligne ses places avec un système sécurisé et de choisir ses places dans la tribune. Autre possibilité, c'est de téléphoner à l'association. Voici le numéro 03 29 84 5000. 03 29 84 5000. Aux heures de bureau, on a nos salariés qui répondent, qui informent, qui peuvent vendre des billets, et y compris les samedis, mais pas les dimanches, bien sûr. Est-ce que tout le monde pourra venir voir le spectacle ou pas ? Oui, mais on recommande de ne pas venir avec des enfants en bas âge. Alors ça veut dire précisément 6-7 ans, ça nous semble être la limite. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on a déjà eu ces dernières années des enfants de moins de 2 ans. Oui, mais les parents savent les mettre dans les coulisses. On a des thèmes, des petits bouchons, hein, qui s'achètent en pharmacie, pour que le bruit ne soit pas trop violent dans leurs oreilles. C'est un spectacle où il y a quand même des moments très poignants. Alors je sais bien que des enfants, même des A3, 4 ans maintenant, et à partir de 5 ans encore plus, 6 ans, arrivent à voir des choses épouvantables sur des tablettes, des téléphones ou parfois même à la télévision, ce qui est bien préjudiciable. Nous, on déconseille fortement de venir avec des enfants de moins de 6 ans. Quels sont vos futurs projets après ce spectacle des Flammes à la Lumière ? Alors, je vous ai cité tout à l'heure une grande fête médiévale au château de Thillon-Bois. Thillon-Bois est un site magnifique qui nous appartient aussi, qui se trouve à 30 kilomètres, j'arrondis, 30 kilomètres au sud de Verdun, 30 kilomètres au nord de Bar-le-Duc. Et ce château est dans un petit vallon au milieu d'un grand massif forestier. Et le site même du château, c'est un parc de 43 hectares, entièrement clos, et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et qui est très joli. C'est un parc à l'anglaise, avec un ruisseau et des méandres, et le château qui a été reconstruit dans le premier tiers du XVIe siècle et remanié au XIXe siècle. C'est donc un site très très sympathique, même assez flatteur, je dois dire, et c'est là que nous allons organiser pour la première fois une grande fête médiévale, donc le dimanche 10 septembre de 10h à 18h, avec des troupes professionnelles qui viennent un peu des quatre coins de la France, avec également des passionnés qui font des campements. Alors il y aura un tournoi de chevalerie très très grande qualité, de la voltige, un spectacle de fauconnerie avec des professionnels qui sont là pour expliquer ce que sont ces animaux, les problèmes parfois de diminution des nombres, hein, dans nos pays où ou à l'autre bout du monde. Donc c'est également très pédagogique. Des musiciens professionnels, une troupe qui donne des petites, comme des petites farces médiévales en plein air. Alors on a des structures bâchées, des lieux fermés, protégés de la pluie au cas où. Et également une troupe d'escrimeurs, on va dire, et des activités pour les enfants. Donc, et des campements avec une quinzaine de tentes et des passionnés, tellement passionnés qu'ils dorment sous leurs tentes, sous les tentes, alors qu'ils datent pas du Moyen-Âge, mais qui sont comme celles qui pouvaient exister au Moyen-Âge et qui mangent sous leurs tentes ou devant leurs tentes. Donc on va voir là une manifestation vraiment de très très belle qualité avec un repas le midi, mais sur réservation, uniquement sur réservation. Et une restauration rapide, bien sûr. C'est une manifestation qui devrait attirer 4000 à 5000 personnes. C'est notre objectif. Et puis, toujours dans le cadre de ce parc et de ce château, les deux derniers week-ends de novembre et le 1er décembre, il faut entendre les samedis après-midi et dimanche après-midi, de 14h à 18h30, une Saint-Nicolas. Ça sera, je crois, la 22e édition de mémoire, ou 21e, je ne sais plus, qui est de très grande qualité. L'entrée est payante, là aussi. Et c'est lors des trois dernières éditions, 21, 22 et 2019, nous avons refusé du monde. Donc, à partir du moment où la billetterie sera ouverte pour cette manifestation, il ne faut pas trop laisser filer le temps pour avoir des places. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à entendre? Il y a beaucoup d'ateliers et d'animations pour les enfants. Saint-Nicolas, c'est d'abord leur fête, en quelque sorte, une de leurs fêtes. Mais il y a aussi des spectacles pour tout le monde, petits et grands. Il y a dans le château tous les salons qui sont relookés cette année sur le thème des jouets anciens et des jouets d'aujourd'hui, avec même des jeux vidéo avec les manettes, etc. Mais aussi des jeux très anciens du 19e siècle, des automates. À l'étage, dans la grande salle du château, des collectionneurs vont présenter leur train, train miniature, bien sûr. Et puis, en fin d'après-midi, il y aura des échafaudiers avec des guirlandes de lumière et un spectacle, le public étant placé sur une tribune pour, là, avec des jeux de lumière, avec de la pyrotechnie qui est sur une bande-son chaque année modifiée, avec un texte enregistré et quelques personnages qui seront visibles, aborder une des facettes de Saint-Nicolas d'une manière totalement festive. Et ça se termine à 18h30, 18h45. Alors ça, ce sont nos trois événements annuels. Durant le début de l'été, des flammes à la lumière à Verdun. En septembre, cette année pour la première fois, cette grande fête médiévale. Et les années précédentes, on a eu un spectacle équestre. C'était le cas l'année dernière. On a accueilli 11 500 spectateurs en trois dates, qu'on a déjà donné 5 fois, et on a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir 3 fois la garde républicaine avec sa fameuse fanfare qui est toujours en tête du cortège du 14 juillet à Paris. La fanfare au grand complet avec la tenue officielle. Donc c'est une manifestation que l'on doit renouveler en principe l'année prochaine. Ça c'est l'événement de septembre. Et puis fin novembre, début décembre, la Saint-Nicolas. Alors à côté de cela, on a d'autres activités qui ne sont pas des grands événements. On a une revue trimestrielle qui est tirée à 1000 exemplaires, qui arrive au numéro 150 et maintenant. Nous avons chaque année des balades découvertes sous forme d'excursions, des conférences, parfois pointues, mais en général pour tout public, aux quatre coins du département, toujours une exposition, avec la librairie de Verdun, accueil de romanciers, et nous avons créé cette année, mis en place un premier salon littéraire au château, qui a connu un très très très beau succès, qu'on va renouveler aussi l'année prochaine. Parfois nous organisons un concert, cette année on en a eu un, on aura peut-être un deuxième. Donc on a chaque année en moyenne 13, 14, 15, c'est entre 13 et 15 activités différentes. Donc vous voyez qu'on a un programme très riche et qui mobilise toutes nos forces vives de février, début mars, jusque début décembre. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Ah oui, on a une page Facebook, Instagram, et puis notre site Internet. D'ailleurs, on a plusieurs sites Internet, hein, qui est plutôt Spectacle de Verdun, hein, qui est plutôt Château de Thillon-Bois, où il y a une très très belle vidéo réalisée par un professionnel qui a été bénévole quelques années chez nous, Guillaume Klein, qui présente le Château de Thillon-Bois. Et comme il travaille souvent au niveau national, le texte a été lu par gentillesse, par un certain Stéphane Bern. C'est un très très beau document sur le site qui présente l'événement spectacle réalisé par Guillaume Klein dont je viens de parler. On a un teaser, un clip, une bande-annonce comme on veut qui dure 2 minutes 30, qui est vraiment professionnel. Des professionnels l'ont vu et ont pensé que tous ceux qui avaient concouru à ce teaser étaient des professionnels. Non, il y a eu des professionnels pour la prise d'image, notamment par drone, et pratiquement tout le reste, soit l'électricité, les éclairages, puisqu'il y a des moments qui ont été tournés la nuit, et bien sûr les acteurs et les figurants, les costumes, tout ça c'est l'œuvre de nos bénévoles, et c'est assez bluffant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association Connaissance de la Meuse ? Eh bien, du beau temps pour cette saison, parce que c'est sûr qu'on préfère accueillir le public lorsqu'il fait beau, hein, et bon, ce qui est le cas en ce moment, hein, c'est vraiment très chaud, c'est bien pour les spectacles plein air, bon, cette situation météo est quand même un peu préoccupante, hein, pour la vie quotidienne, pour les personnes âgées, bien sûr pour nos agriculteurs, hein. Donc il faut nous souhaiter du beau temps, si je peux dire, d'avoir toujours des bénévoles et du public, et nous aurons toujours la même passion, je pense qu'il ne faut pas nous la souhaiter, elle est là. On a toujours plein de projets, trop de projets, donc c'est de venir nous voir, de nous soutenir, de découvrir ce que l'on crée pour le partager, voilà, tout simplement. Cette interview est maintenant terminée, Monsieur Demande, merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, et bien bonne journée à vous et à vos auditeurs et auditrices. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie et que l'on parlera du spectacle de l'année prochaine, hein, comme dit le dicton « jamais 203 ». Oui, bien volontiers, avec grand plaisir même, oui. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.